De l'huile dans les rouages sur Fadjet. Et nous nous retrouvons pour une nouvelle chronique de l'huile dans les rouages en compagnie de Noémie. Bonjour Noémie. Bonjour Yves. La dernière chronique, tu nous as parlé de l'écoute active, de ce que c'était. Oui. Et tu avais pris un exemple d'un enfant dans un rayon qui faisait l'étoile de mer. Enfin, tu vas peut-être nous réexpliquer tout ça parce que... Oui. Voilà, mais ça en dit long aussi sur comment gérer les tempêtes émotionnelles, notamment chez les enfants. Oui, l'écoute active dont on a parlé la dernière fois, c'est un des super outils pour gérer les tempêtes émotionnelles de nos enfants. Alors, je tiens à préciser dans un premier temps que je ne suis pas Bouddha, je suis aussi maman et il m'arrive de crier et je ne pratique pas la communication non violente H24. Donc on se détend, je vais vous donner des outils et quand vous arrivez à les utiliser, si ça vous parle, c'est cool, si c'est pas tout le temps, c'est pas grave, c'est juste que chaque fois qu'on y arrive, c'est cool. Alors parlons de cette tempête émotionnelle particulièrement chez les enfants et qu'est-ce qu'il faut savoir justement sur cette question-là? Oui, savoir que leur cerveau émotionnel, il met du temps à maturer. Il est mûr que vers 20 ans, des fois même jusqu'à 25 ans. Donc, si vous voulez vérifier ces informations-là, je vous invite à chercher les capsules vidéo de Catherine Gegeln, qui est spécialiste en neurosciences. Donc, déjà, savoir que c'est normal qu'un enfant, il n'arrive pas comme nous, adultes, à réguler ses émotions aussi vite et que des fois, ça prend des proportions qui sont hallucinantes à nos yeux, mais en fait, c'est son cerveau émotionnel qui n'est pas encore mûr. Alors, comment on va aider à redescendre ses émotions ? Alors déjà, n'oubliez pas, chers parents, que ce n'est jamais personnel, ce n'est jamais tourné contre nous, ce n'est pas un caprice de l'enfant. La tempête émotionnelle, ce qu'on appelle des fois les colères, ça peut être aussi une forte tristesse, ça peut être un fort enthousiasme, l'excitation d'aller voir ses cousins, cousines le week-end ou d'aller faire du sport. Donc, de savoir ça, c'est ce qui nous aide à rester zen, à respirer de notre côté, à nous éloigner un petit peu aussi, à pas être dans la contagion émotionnelle, parce que nos neurones miroirs vont nous donner envie de faire la même chose, de s'énerver aussi, de s'exciter aussi. Donc, lutter contre cette contagion émotionnelle, et ça s'appelle se désynchroniser, et ça, j'en développerai dans une autre rubrique aussi. Alors, tu as aussi des tuyaux pour nous aider à évacuer tout ça. Voilà, si votre enfant, il est très, très excité, très, très en colère, il a très, très peur, et d'abord, vous allez l'aider à faire sortir l'émotion, c'est aller vers l'extérieur. Aidez-le à décharger son émotion de façon saine. On est excité, on saute, on danse, on court, on s'ébroue, on serre tous les 100 poings, ses cuisses, tout son corps et hop, on relâche. Si on a peur, on peut frotter ses mains pour se réchauffer les mains. Si on est très en colère, on a une pile de papier, on a le droit de les déchirer ces papiers-là. Donc comme ça, on tape pas, on n'est pas en train de faire du mal sur un doudou, sur une porte, sur une personne. On se fait pas de mal à soi. On peut aussi s'amuser à faire le tigre avec son enfant. On rugit et puis on sort les griffes, on fait le bûcheron, on fait comme si on avait une hache transparente et on donne des grands coups de hache vers le sol et on a le droit de crier un grand « ah » en même temps. Donc ça, c'est des outils inoffensifs qui permettent de faire sortir le trop-plein. Et une fois qu'on a fait sortir ce trop-plein, on peut passer à une phase de calme. Voilà, on va l'accompagner au recentrage. Ça peut être assez rapide, cette phase de décharge, c'est max 5 minutes et puis on va commencer à respirer ensemble, contrôler sa respiration, se recentrer, ralentir. On peut proposer à l'enfant de dessiner sa peur, dessiner sa colère, même si c'est du gribouillage. On peut lui proposer un câlin s'il est prêt, mais on n'impose pas, on propose. Et puis on va être dans l'accueil. On va lui dire « tu as le droit d'être en colère, mais pas de taper ». On reste quand même dans le cadre, comme quand on a parlé de la frustration la dernière fois. Pas le droit de taper, pas le droit d'insulter. T'as le droit d'être triste, t'as le droit d'être en colère. Bien se sentir accueilli et pas jugé dans son émotion. Mais les pièges à éviter alors, les premières réactions qu'on a souvent, oui. c'est jamais les bonnes. Alors jamais, je pense. Souvent. J'espère qu'on est quand même, on arrivera de temps en temps d'avoir des bonnes, mais souvent on a le piège de aussi crier plus fort, donc ce qui va faire monter la tension. Donc si vous réussissez à ne pas le faire, bravo, c'est bien. Chaque fois que vous y arriverez, ça vous gagnez quelque chose. Et la phrase qui est contre-productive par excellence, c'est le calme-toi. Je pense qu'on a tous aussi reçu cette phrase. Oui. Dans plein de contextes, est-ce que ça nous a aidé? Voilà, que ce soit avec les enfants ou les adultes. Voilà, quelle que soit la personne, quand on dit calme-toi à quelqu'un, on invalide ce qu'il ressent et on l'autorise pas justement à ressentir. Donc, évitons de juger, de dire « ah, t'es pas beau ou t'es pas belle quand t'es en colère ». Envoyer dans sa chambre, attention, il vaut mieux le faire en disant « si tu vas dans ta chambre, c'est pour pouvoir te calmer, pour pouvoir décharger, mais je suis là ». Quand tu seras prêt pour le câlin, etc. Si c'est « va réfléchir dans ta chambre », c'est attendre d'un enfant quelque chose qu'il n'est pas capable de faire. Il ne sait pas pourquoi il a sa crise. Il ne sait pas que c'est pas bien. Il sait plus fort que lui. Donc, si on lui dit va dans ta chambre, il faut être bien clair sur c'est pour te permettre d'avoir ton espace, de gérer ta crise à ton rythme. C'est qu'avant, on lui a donné les outils pour ça. Renonçons au pourquoi. Quand on est dans la tempête émotionnelle, c'est impossible. Même nous, des fois, on ne sait pas pourquoi on est chafouin. On ne sait pas. Donc, c'est normal qu'on ne sache pas. Donc, renoncer au pourquoi et au calme-toi, ça sera déjà deux bonnes grosses pistes. Et on en revient à l'écoute active. On vous invite à aller écouter la précédente chronique. Si vous avez envie d'aller plus loin sur ce thème, je vous invite à suivre Papa Positif sur les réseaux, qui a plein d'outils sur ce type de problématique de parentalité. Moi, j'adore lire avec ma fille le livre de mes émotions de Stéphanie Couturier et Maureen Poignonnec, qui donne plein d'astuces sur quand j'ai telle émotion, qu'est-ce que je peux faire. Vous avez aussi les petits bouquins d'Isabelle Filioza ou ses articles. Et surtout, si vous avez des ressources, des livres ou des choses comme ça, ben, j'aimerais bien que vous me les fassiez remonter, ça m'intéresse. Eh bien, pour ça, il faut aller sur le site de la radio, notamment pour vous avez un petit formulaire pour écrire à Noémie ou alors, bien sûr, sur les réseaux sociaux, oui. Facebook, notamment les outils de Noémie. Merci. À bientôt. À bientôt. Si vous avez envie que l'on aborde des sujets précis, des questions à poser, des témoignages à partager concernant les outils évoqués, écrivez-nous à contact@fadjet.net.